Il existe, dit-on, quelques racistes indécrottables, mais avouez que dans l'ensemble, la population aime bien. Avec le temps, tout cela disparaîtra. Ce pays est le moins raciste. Il existe à l'ONU une commission chargée de lutter contre le racisme, des films sur le racisme, des poèmes sur le racisme, des messages sur le racisme, les condamnations spectaculaires et inutiles du racisme. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure. Il est France. Je suis Fran Fanon. Dano de la terre. Sale nègre. Alors nous sommes qui? Dame de la terre. Sale nègre. Alors nous sommes qui? Fran Fanon. Fran Fanon. Fran Fanon. Je suis Fran Fanon. Fran Fanon. Fran Fanon. Fran Fanon. Nous sommes Fran Fanon. Bonjour Achille Mbembe. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous en direct depuis le Cap, en Afrique du Sud. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il est question de Fran Fanon. Vous avez préfacé les œuvres de Fanon aux éditions de La Découverte. Pour ce premier temps de notre série de 4 émissions autour de l'œuvre de Fran Fanon, on va essayer de le présenter. Et d'abord, peut-être on peut le présenter en précisant le rôle que Fran Fanon a joué dans l'élaboration de votre travail et de votre pensée, Achille Mbembe. Et Fanon a joué un rôle absolument central dans ma propre réflexion. À vrai dire, j'ai rencontré Fanon lorsque je suis arrivé aux États-Unis. Lorsque je dis rencontrer Fanon, je veux dire je me suis mis à le lire, à l'étudier, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire et à travailler avec ce matériau davantage encore lorsque je suis revenu en Afrique. Je crois que Fanon a été un penseur absolument indispensable. Il est une des pierres angulaires de ce que j'appelle notre remontée en humanité. Fanon nous a rappelé fortement que nous étions des êtres humains comme tous les autres. Je crois que toute sa philosophie se résume en fait à cette affirmation à la fois simple et scandaleuse. Scandaleuse au regard de notre histoire et de l'actualité du racisme dans le monde contemporain. Fran Fanon naît en 1925 à Fort-de-France, en Martinique. À 19 ans, en 1943, il va entrer en dissidence et s'engager dans les forces françaises libres. C'est là qu'il va rencontrer pour la première fois l'Algérie. Il va ensuite retourner en Martinique. Et en 1946, il va aller à Lyon faire des études de médecine. Il va s'inscrire à la fac de philosophie, suivre les cours de Maurice Merleau-Ponty, faire paraître des premiers textes. En 1952, paraît Peau noire, masque blanc, qui était d'abord à l'origine une thèse de médecine, mais qui a été refusée comme telle. Paraîtra ensuite Les damnés de la terre. Et Fran Fanon meurt à 36 ans. Donc il n'a pas le temps de publier plus. En revanche, sa pensée a connu plusieurs mouvements. Dans votre préface à ses œuvres, vous dites bien qu'au fond, il y a eu plusieurs âges de lecture de Fanon. On va préciser hein, quels sont ces âges. Mais d'abord, je voudrais savoir si ce qu'il affirme dans l'archive qui a ouvert cette émission, c'était son intervention au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en septembre 1956, à savoir que « la réalité, dit-il, est qu'un pays colonial est toujours un pays raciste », est une phrase qui, selon vous, est une phrase de 1956 en pleine décolonisation, ou si elle vaut encore aujourd'hui pour mesurer la façon dont la pensée, le travail de Fanon a pu évoluer à travers ces âges, justement. Disons, j'étais frappé. Enfin, j'ai écouté un ou deux extraits de discours de Fanon auparavant. Je suis toujours frappé par sa voix, sa façon de lire, recto tono, une voix de silex au fond. Et sa voix me rappelle énormément celle de quelqu'un d'autre qui, lui aussi, a frappé l'imaginaire de façon tout à fait remarquable. C'est Malcolm X. Au fond, j'avais jamais fait ce rapprochement. Et en écoutant Fanon ce matin, il m'est apparu tout de suite qu'il y avait une parenté vocale, je dirais, en ces deux personnages morts assez jeunes, au fond. Tout comme d'ailleurs quelqu'un d'autre, Martin Luther King. C'est frappant à quel point est-ce que ces gens étaient jeunes lorsqu'ils ont pris la parole pour la première fois. Lorsque Fanon prend la parole par écrit, pour la première fois avec peau noire, masque blanc, il a à peine 25 ans. Ouais. Il meurt, comme vous le dites, à 36 ans, mais entre 25 et 36 ans, se dire à peine combien 11 ans, hein. En 11 ans, il a énormément écrit. Il a écrit plus que nous tous. On essaye d'imaginer ce que ça aurait été s'il avait atteint l'âge de 50 ans. Alors, les trois âges, en fait, il y en a plusieurs. Il y a le moment au cours duquel il écrit, en tant que contemporain, à l'époque de la décolonisation, des luttes pour la décolonisation, luttes politiques, luttes armées également. Il écrit en plein milieu de la guerre d'Algérie. Il y a le moment dont il écrit à partir de l'Afrique. Il sillonne l'Afrique au cours de ces dernières années, le Ghana, la Guinée, le Mali, ainsi de suite. Il y a le moment où sa pensée est reprise, notamment aux États-Unis, dans le contexte de la lutte pour les droits civiques. Il fait l'objet d'une relecture, mais pas dans le contexte originel de ses écrits, dans le contexte des années post-captivité, mais des années de ségrégation raciale. Mmh. Il y a un moment au cours duquel Fanon est relu, en particulier dans le contexte des luttes paysannes dans le tiers-monde, ce que l'on appelle le tiers-monde, dans les années 60-70. Il y a les années d'obscurité, les années 80, au cours desquelles Fanon connaît une éclipse. Il y a les années 90 aux États-Unis également, au cours desquelles il réapparaît, mais dans ce que l'on appelle les études postcoloniales. Je pense en particulier aux travaux de personnes comme Houmi Baba, qui préface un de ses grands textes au début des années 90, et puis à l'explosion fanonienne qui commence vers la fin du XXe siècle, début année 2000, avec le renouveau des mouvements sociaux à peu près partout dans le monde, et qui se poursuit aujourd'hui, d'ailleurs, avec Black Lives Matter. Et donc, Fanon nous aura accompagnés, au fond, depuis sa toute première prise de parole, sur des sujets tels que le racisme, la libération, l'aliénation, la question générale de l'émancipation humaine. Et je crois que sa parole sera avec nous pendant très longtemps, puisque ce sont des questions, disons, éternelles. Mais voilà, c'est toute la question justement, et c'est pour ça que j'attirais votre attention sur ce point. Quand il prononce ce discours en 1956, il dit, je répète la phrase, hein, un pays colonial est forcément un pays raciste, et il va même jusqu'à dire que finalement, dans un pays où presque personne ne serait raciste, sauf quelques personnes, ce sont les racistes qui ont raison, si ce pays est colonial, il pointe un lien structurel entre le colonialisme et le racisme. Que reste-t-il de cette affirmation ? Aujourd'hui, quasiment un demi-siècle plus tard, où les études ne sont plus coloniales, mais justement post-coloniales, dans quelle mesure est-ce qu'on peut transposer ce qu'il affirmait à l'époque, aujourd'hui en 2021 et le propre du racisme, et Fanon l'avait d'ailleurs lui-même soupçonné, le propre du racisme, c'est de passer... C'est d'être constamment en mutation. Le racisme est comme un virus. Il y a une dimension virale du racisme, c'est-à-dire qu'il se répand, mais davantage encore, il passe par des mutations permanentes. L'autre caractéristique du racisme, c'est qu'il a une dimension, et Fanon utilisait d'ailleurs ce terme lui-même, il a une dimension atmosphérique. Et donc, le racisme, en fait, on le voit très bien ici en Afrique du Sud. Ici en Afrique du Sud, pendant très longtemps, le droit exigeait que l'on fût raciste. C'était ça. Ne pas être raciste, c'était aller contre la loi, puisque la loi exigeait que l'on fût raciste. Alors, en 1994, l'apartheid, le système du racisme, a été aboli juridiquement, constitutionnellement. Mais ce que l'on observe, c'est que le racisme est capable de survivre à son abolition juridique. C'est pas parce que l'apartheid a été aboli que l'Afrique du Sud... le racisme a été éliminé ici. Pas du tout. Donc, il peut survivre aux infrastructures juridiques qui le légitiment. Et donc, c'est quelque chose de pas seulement pervers, mais c'est quelque chose qui constamment est en mutation. D'où la difficulté de combattre le racisme. Et donc, c'est pas seulement propre, je dirais, aux pays coloniaux. C'est quelque chose qui existe, y compris en l'absence même de ce que l'on appelle les races. Vous allez en Pologne, vous allez en Russie, dans des villages où on n'a jamais vu un seul noir, mais vous avez des racistes. Vous voyez un peu le paradoxe sur lequel j'essaie de mettre le doigt. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qui n'a pas besoin de conditions objectives pour ainsi dire s'objectiver. Ça veut dire que le racisme participe de quelque chose de très profond dans la psyché humaine, quelque chose d'extrêmement profond qui trouve à travers l'histoire dans les conditions de sa réalisation. D'où peut-être, il faut insister sur ce point-là dès maintenant, le travail médical et psychiatrique de Fanon. Vous présentez d'ailleurs Fanon à Gilles Membé comme un guérisseur, comme quelqu'un qui veut reconstruire après ce qui a été détruit. Il y a une relation de soin que l'on peut trouver chez Fanon, autant dans ses écrits philosophiques que dans son engagement politique, que dans son travail de soignant justement. On va entendre une autre définition que Fanon donne du racisme, puisqu'on est là au cœur du problème qui va nous accompagner cette semaine. On précisera les concepts au cours des jours suivants également. Mais justement, la question que vous posez, c'est celle de savoir dans quelle mesure le racisme serait une idéologie. Est-ce qu'il y a une psychologie particulière de l'homme raciste que l'on pourrait ainsi analyser? Écoutez-le, c'est toujours un extrait de cette conférence des écrivains noirs de 1956. Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour midinette, les proverbes, les habitudes, les patterns, soit qu'ils se proposent d'en faire le procès ou de le banaliser, restituent le racisme. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché, dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme. L'habitude de considérer le racisme comme une disposition de l'esprit, comme une tare psychologique, doit être abandonnée. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Frantz Fanon cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Achille Mbembe, qui est avec nous en direct depuis le Cap, en Afrique du Sud. Vous avez entendu la voix de Frantz Fanon. Je précise que donc Fanon, lorsqu'il commence à exercer son métier de psychiatre, va très vite s'élever justement contre le racisme du corps médical à l'égard des Nord-Africains, perçus comme des malades imaginaires. Et il écrit dans un des premiers textes qu'il a écrit, qui va paraître dans la revue Esprit en 1952, « Quelles sont-elles ces créatures qui se dissimulent, qui sont dissimulées par la vérité sociale ?» sous les attributs de Biko, Bounioul, Arabe, Sidi, Monzami, etc. Si bien, Achille Mbembe, qu'on se demande dans quelle mesure est-ce que son métier de psychiatre a contribué pour lui à affiner la notion même de racisme et à vouloir à la fois l'ancrer dans une structure psychologique, en même temps tout faire justement pour ne pas en faire une espèce d'origine individuelle, mais le résultat de structure. Ah oui, il comprend très vite que au fond... la maladie, le phénomène de la maladie, est évidemment un problème organique, dans le sens où, le corps est mis sous stress, placé sous stress, il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Mais il comprend également que la maladie est un phénomène social total, dans la mesure où la souffrance qu'éprouvent les individus sous un régime politique donné, elle produit de l'oppression dans laquelle ces individus vivent. Et donc, il s'efforce en particulier étudier comment est-ce que la médecine fonctionne dans le contexte colonial. Son analyse du racisme est intrinsèquement liée à son analyse, des phénomènes de soins. Les deux choses vont ensemble. Pour lui, la clinique, au fond, c'est pas seulement l'hôpital, c'est le réel en fait qui sert de clinique à Fanon. Comment prendre en charge la souffrance des hommes et des femmes dans un milieu où dans lequel ils sont soumis à l'oppression raciale et coloniale, tel est le projet qu'il s'efforce dès lors de mettre en route, notamment lorsqu'il va en Algérie. Oui. Mais en fait, ça commence bien avant, à Saint-Alban, lorsqu'il il travaille en France. Soigné d'un côté, mais de l'autre, il est aussi prêt à prendre les armes pour se battre, justement, je l'ai dit. Il va s'engager, et surtout en Algérie, où il va vraiment être du côté de ceux qui se battent, ce qui veut dire que je disais que voilà, vous le présentez comme un homme de soins qui veut reconstruire ce qui a été détruit, accueillir le cri de l'homme mutilé. L'homme mutilé, c'est une expression d'Aimé Césaire, mais il veut aussi lui-même, et c'est toute la question, peut-être détruire ce qui ne fonctionne pas. En fait, il fait les deux en même temps. Chez lui, les deux choses ont toujours été... je relisais ce matin d'ailleurs le chapitre de Les damnés de la terre, le tout premier chapitre sur la violence. Je le relisais en lien avec un texte qu'il avait rédigé à Accra, au Ghana, un texte intitulé « Pourquoi nous avons fait le choix de la violence ?» Oui, qu'on peut entendre d'ailleurs dans un instant, si vous le voulez. Ah, ok, très bien. Et au fond, Fanon, il n'a pas fait, disons ceci, il y a de très mauvaises interprétations de la théorie fanonienne de la violence. Jean-Paul Sartre, par exemple, son interprétation de la violence chez Fanon, elle est, comment dire, elle n'est pas vraie. Jean-Paul Sartre qui a fait la préface des Damnés de la Terre. Oui, c'est lui, il a fait la préface des Damnés de la Terre. Il a proposé dans cette préface une interprétation de la violence chez Fanon qui ne répond pas véritablement à... qui n'est pas en adéquation avec ce que Fanon lui-même a écrit et ce qu'il a dit. Il l'a fait plus violent qu'il ne l'est, c'est ça? Il a été beaucoup plus violent, qu'il est allé bien au-delà de ce que Fanon a voulu dire. Je crois que ça a beaucoup fait du tort à la pensée fanonienne de la violence. Hannah Arendt, la grande philosophe allemande, elle aussi a proposé une interprétation de la violence chez Fanon qui ne correspond pas véritablement à ce que Fanon pensait. Fanon distinguait bien en plusieurs sortes de violences. Il y avait chez lui la violence coloniale, qui était à l'origine de presque tout. C'était, disons, une violence de type structurel, fondationnel, si vous voulez. La violence du colonisé, chez Fanon, était une réponse à cette violence originaire, fondationnelle, architectonique, si vous voulez. Elle est une réponse. Elle est une réponse, et Fanon ne se fait pas d'illusions au sujet de cette réponse. Il sait très bien que toute violence ouvre la porte à quelque chose d'inconnu, au besoin à quelque chose d'incontrôlable. Mais il pense que cette violence, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour faire passer le colonisé d'une vie végétative à une vie consciente, à une vie historique. Il est persuadé que c'est... le colonialisme, c'est ainsi qu'il l'appelle, et c'est d'ailleurs frappant. Il parle de deux choses, du colonialisme ou alors du régime colonial. Il parle très peu de la colonisation. Le colonialisme, il est persuadé que c'est une force métamorphique qui ne peut être brisée que par une autre force métamorphique. Il pense... Il est persuadé que le colonialisme ne raisonne pas. Il ne sait pas raisonner, il ne sait pas dialoguer, il ne comprend qu'une seule langue, la langue de la force, à laquelle il faut opposer la langue de la force. Et il sait que dans cette opposition frontale, sans réserve, je cite ces termes, il y a quelque chose de fondamental qui est détruit. Et ce quelque chose de fondamental qui est détruit peut être détruit pour de bon. C'est-à-dire, on passe, la violence ouvre la porte à des pertes irréversibles. Quelles sont-elles, ces pertes irréversibles? Pardon? Quelles sont-elles, ces pertes irréversibles? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel qui est détruit à ce moment-là? Déjà la vie. À commencer par la vie. Ah, parce que la violence qu'il peut légitimer en retour de celle du colonialisme implique le fait de tuer. Ah oui, bien sûr. Ça implique tout ce que la violence implique. Il est tout à fait clair à ce sujet. Il est clair, il y a un prix à payer pour la libération. Et tuer qui Ce concrètement? prix, c'est le prix, c'est la mort. Une fois que vous vous levez face à un oppresseur qui est prêt à liquider tout le monde pour rester au pouvoir, vous risquez de perdre votre vie. Et il est persuadé qu'il n'y a pas de liberté sans prise de risque. Le risque final, le prix que vous payez, c'est le prix de votre vie. C'est le prix du sang. Je le cite, hein, ces termes, c'est des termes fanoniens que j'utilise. Donc pardonnez-moi, le sang de celui qui se bat pour devenir libre ou le sang de l'oppresseur, Ah, tout à fait. Tout le à sang de fait. l'oppresseur qu'il est autorisé à tuer pour se libérer, de quelle mort Oui, parle-t-on? Des deux? tout ça. Tous les deux prennent des risques. Et le risque final, c'est que leur sang soit versé. Et c'est un risque, d'après Fanon, qui vaut la peine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix pour la liberté. Là où la liberté est en jeu, vous devez tout risquer. Vous devez risquer tout sans réserve. Ça, c'est Fanon. Et donc, il est tout à fait réaliste par rapport à tout cela. De notre côté, le soin, il est intégral dans sa démarche. Mais ici également, Fanon est absolument réaliste. Il sait que la fonction de la médecine, c'est pas vraiment de guérir. Il sait que la guérison, c'est un horizon. C'est un horizon. La médecine a pour fonction chez lui de soulager de la souffrance. C'est une fonction de soulagement. Et une fonction d'accompagnement, accompagnement, c'est-à-dire de restitution de l'individu malade dans une communauté. Il a une définition assez incroyable de la maladie, en fait, Fanon. Fanon dit du malade que le malade est celui qui a été coupé de la communauté. Et qui, ayant été coupé de la communauté, ayant perdu, disons, cette assise qu'est la communauté, a par là même été privé de langage ou, pour utiliser ces mots, de parole. Donc le malade, c'est celui qui est en quête, à la recherche d'une parole perdue. Cette parole étant au fond la communauté, comme le lieu qui autorise la parole, qui lui donne une signification. Et donc, c'est une conception de la maladie assez peu médicale en réalité et très sociale. La maladie, c'est l'absence de relation. C'est le fait que la relation a été brisée. Et le médecin, c'est celui qui essaye d'aider à retisser la relation. Et donc, cette affaire de la politique de la relation, en fait, c'est par là même qu'il commence ses travaux. Lorsque vous lisez Peau noire, masque blanc, les toutes premières pages de Peau noire, masque blanc portent sur la thématique de la relation, de la bonne relation. La bonne relation étant quoi? La relation d'amour. Et l'amour étant, d'après Fanon, cette relation que l'on vit de façon libre. C'est-à-dire, cette capacité de retrouver une liberté intérieure qui permet de se relier à l'autre hors de toute oppression. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un parallèle à faire ou une analogie entre l'homme malade et l'homme victime de racisme? Oui, évidemment. Les deux vont ensemble. L'homme malade, l'homme victime de racisme et l'homme privé d'amour ou de relation. Moi, ça m'étonne toujours que jusqu'à présent, on n'ait rien sur, disons, en termes d'études fanoniennes, oui. Rien sur la conception fanonienne de l'amour. En fait, tout part de là. Toute la pensée de Fanon part d'un constat apparemment banal. Comment se fait-il qu'on ne s'aime pas? Je n'invente pas ça, c'est lui-même qui le dit. Toute la philosophie de Fanon part de cette question. Comment se fait-il qu'on ne s'aime pas? Et qu'est-ce que pourrait être l'amour libre? À quoi est-ce que c'est quoi les conditions d'un amour libre qui ne soit pas pollué par le racisme? C'est quoi la relation, la bonne relation? Et vous aurez remarqué que cette question de la relation, la politique de la relation, on la retrouve aussi, cette question, chez quelqu'un comme Glissant. Oui. Glissant parle de poétique de la relation. En fait, c'est la grande question philosophique africaine, afro-diasporique également. C'est ça qui, c'est-à-dire que y compris dans les pensées africaines précoloniales, la question de la relation précède la question de l'être. Dans la philosophie grecque occidentale, tout ce que vous voulez, la grande question, c'est celle de l'être. La question de l'ontologie. L'être et le néant, l'être et le temps, c'est la question de l'être. Chez nous, c'est celle de la relation. Mmh. Et il écrit comment d'ailleurs. Comment faire place? Allez-y, pardon. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on fait place à l'autre? Comment on fait place au vivant dans sa généralité? Ne me le vivant englobant évidemment les autres espèces humaines, les autres espèces non humaines, l'environnement, les ancêtres, le monde dans sa généralité. Comment on fait place à? Et donc comment on tisse la relation? Comment on répare la relation qui a été brisée? C'est tout ça. C'est-à-dire que Fanon, toute son œuvre, elle peut être lue justement à partir de là. Et d'où le fait que ça va être une œuvre qui va nous parler pendant très longtemps, parce que nous rentrons de nouveau de façon dramatique avec la crise écologique, la crise du racisme. Nous revenons de plein pied dans la question de la relation. Ne me poussez pas à bout. Ne m'obligez pas à vous dire ce que vous devriez savoir, monsieur. Si tu ne réclames pas l'homme qui est en face de toi, comment veux-tu que je suppose que tu réclames l'homme qui est en toi? Si tu ne veux pas l'homme qui est en face de toi, comment croirais-je à l'homme qui est peut-être en toi? Si tu n'exiges pas l'homme, si tu ne sacrifies pas l'homme qui est en toi pour que l'homme qui est sur cette terre soit plus qu'un corps, plus qu'un Mohamed, par quel tour de passe-passe faudra-t-il que j'acquière la certitude que toi aussi, tu es digne de mon amour? Je crois que nous avons écrit la préface de ce monde nouveau, en plein siècle d'ethnocentrisme européen, en plein siècle d'assimilationnisme, accepté d'ailleurs en général par les colonisés, eh bien, nous avons émis, posé un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes actuels, mais qui étaient des problèmes tout nouveaux, et c'est en cela que consistait la révolution culturelle. Mais nous avons été les premiers à poser des problèmes de l'identité, à réhabiliter et à mettre au premier plan l'indispensable fidélité à ces populations qui ont été asservies, qui ont été dominées, qui ont été insultées, qui ont été vendues, qui ont été transplantées. Eh bien, c'est vrai, je sens que je suis né dans la cale des bateaux négriers. Et c'est ma fierté de revendiquer cette descendance et de l'affirmer. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la voix d'Aimé Césaire. C'était sur France Culture en 1993. Aimé Césaire, dans cette archive, revient sur le projet de révolution culturelle qu'il a voulu mener autour du terme de négritude. Et la question se pose de savoir, Achille Mbembe, dans quelle mesure Frantz Fanon lui-même était en accord et en désaccord avec cette pensée de la négritude. D'un côté, il est inspiré par ce terme-là, qui lui paraît un instrument important de la conscience noire, qui doit permettre de briser les chaînes du colonialisme. Mais de l'autre, il développe aussi une attitude plus critique, car il croit en ce qu'il appelle lui-même une forme d'universalité de la condition humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que, pour ce qui est de la négritude, il respectait beaucoup Césaire. Il avait beaucoup de respect pour Césaire. Il n'en avait pas pour quelques autres. Qui ça? En tout cas, pas autant. Pardon? À qui pensez-vous? Les critiques, par exemple, Senghor, sans concession, à la fois du point de vue politique que du point de vue, intellectuel. Critique la négritude senghorienne. Sans concession. Il est prêt à excuser Césaire, y compris dans ses choix politiques. Mais c'est peut-être pas l'essentiel. Fanon croit en une chose. Il croit en une espèce d'égalité originaire. Lorsque Fanon parle du nègre, il en parle comme de celui-là qui, ou de celle-là qui n'aspire qu'à une chose, à être un homme ou une femme comme toutes les autres. Il répète ce terme constamment. S'il ne veut pas être un homme en moins, il ne veut pas être un homme en plus. Il veut juste être un homme comme tous les autres. Un homme comme tous les autres est dans ce sens un homme qui chemine avec les autres, qui est en chemin avec les autres. Moi, ce qui me frappe en le lisant, en particulier « Peau noire, masque blanc », parce que c'est là où il est le plus explicite, mais aussi d'ailleurs dans ses autres écrits, c'est cette espèce de point de départ originaire et point de destination universel qui englobe tous. Et donc, c'est cela la véritable universalité. Donc, ça veut dire qu'il ne réinvestit pas, comme le fait Césaire, comme le fait Senghor, le terme même de négritude. Il ne cherche pas à essayer d'investir une culture ou une ethnie particulière. Non, pas du tout. Mais pas du tout. En fait, Fanon est un des grands philosophes de l'antidifférence. Mais c'est quelqu'un qui ne croit pas en la différence, ou en tout cas, qui est un grand critique de la différence. Senghor, Césaire d'ailleurs, Césaire dans son dialogue final avec Françoise Vergès, il déclare « Nègre je suis, nègre je resterai » ou quelque chose comme ça. Oui. Je crois que c'est quelque chose que Fanon ne dirait pas du tout. Fanon dirait « Je suis un homme comme tous les autres. » Point final. Donc le terme d'universaliste s'applique à sa pensée. Mais c'est une universalité radicale. Pire, Fanon, le noir n'existe pas. le blanc n'existe pas non plus. A priori, la différence, cette différence-là, importe très peu chez lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il serait critique aujourd'hui de l'emploi du terme racisé, du fait que justement une différence soit marquée au nom d'une libération ? Non. Lorsque je dis, parce que le racisme, c'est quoi ? C'est la production de la différence. C'est-à-dire, un raciste dit, il n'y a rien qui nous lie. C'est ça que le raciste dit. Le raciste dit, entre toi et moi, il n'y a rien de commun. Tu ne fais pas partie de moi, je ne fais pas partie de toi. Le racisme, c'est le séparatisme. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, bon, évidemment, les termes, on les emploie comme on peut. On trafique les termes. Mais la véritable signification du racisme, c'est le séparatisme, c'est le différentialisme, si vous voulez. Mm-hmm. Or, Fanon est contre ça. Fanon, il pense qu'en vous et moi, il y a non seulement une égalité originaire, mais il y a une appartenance primordiale, une appartenance de principe, une co-appartenance. Mais le racisme, c'est ça. Lorsqu'on dit racisation, la racisation, ça veut dire on distingue en différentes espèces, on met en place les différentes espèces dans une espèce de cycle hiérarchique, ainsi de suite. Donc, il reconnaît le disons, les phénomènes de racisation, il sait que ça existe, mais il est contre ça. Mais faut-il, pour lutter contre ça, reproduire les mêmes effets ? De même que vous l'avez dit, il justifie une certaine violence au nom de celle qui le détruit, qu'il faut détruire pour détruire et pour mieux reconstruire. Faut-il reproduire l'inégalité subie par celui qui est victime de racisme pour mieux s'en libérer ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Oui, mais ça, ce n'est pas des questions fanoniennes, ça. Ah, mais alors du coup, on ne peut pas s'en servir aujourd'hui dans les réflexions contemporaines ? Oui, on peut, évidemment. Mais on peut se servir. Fanon, si vous voulez, Fanon n'est pas pour la reproduction des Bantoustans. Il n'est pas pour l'apartheid. Alors, comment aujourd'hui s'opère, disons, le travail du racisme ? Le travail du racisme dans le logement, dans les transports, dans l'éducation, dans l'accès à la santé. On sait très bien comment ça se passe. Mais il est contre ça. Il n'est pas pour l'utilisation de la race ou des critères de race pour la libération. Non, pas du tout. Donc, il ne serait pas en faveur des réunions non mixtes, par exemple ? Mais ça, je ne sais pas du tout. Ça n'a pas de sens de poser la question, vous pensez ? Mais non, parce qu'à son époque, non, il n'a rien dit au sujet des réunions non mixtes. Non, ça j'imagine. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut puiser dans ces textes pour essayer de penser la lutte contemporaine. Enfin, voyez, de voir dans quelle mesure est-ce que ces textes peuvent pour nous guider aujourd'hui. Non, je comprends parfaitement. Mais bon, écoutez. Mais il y a beaucoup de réunions non mixtes qui ont cours ici et là. Vous le savez autant que moi. Et donc, il est inutile d'essayer de réfléchir à, ces, à ça à, non, à travers le prisme. C'est une question un peu idéologique. Ça fait partie des maladies contemporaines de notre chère France. On se pose des questions, au fond, un peu oiseuses. C'est des questions un peu oiseuses qui nous éloignent en réalité des vrais dilemmes, les dilemmes les plus urgents. Mais allez donc au conseil d'administration de la Banque de France. Vous me direz si c'est une réunion mixte ou non mixte. Et donc, ce sont des questions oiseuses. Bah, revenons à des questions non oiseuses, justement, oui. Celles que formule Fanon. Je voudrais qu'on entende un témoignage, celui de Jacques Chabry, qui est un comédien militant anticolonialiste qui avait bien connu Fanon. Et écoutez comment lui-même en parle, comment il présente la personnalité de Fanon et son sens de l'engagement. Écoutez, Fanon, il était méchant. Je le dis en souriant parce que il était brutal, il était... dans un premier temps, quand on parlait avec lui, il était un homme qui pouvait faire peur. Il avait un regard perçant, il avait une grosse voix, il avait un grand front, et puis il avait le verbe tapageur. Mais il écoutait bien, et on pouvait dans un deuxième temps bien parler avec lui. Il était tellement riche. Je dirais même que dans son bouillon de culture des intellectuels, il n'était pas longtemps à l'aise. Et c'est vrai que si vous voyez les amis algériens qu'il a eus à Tunis, c'était des combattants, mais c'était pas des intellectuels. Et il était assoiffé de témoignages réels sur le pays. Assoiffé. Il a dicté jusqu'aux dernières minutes, avant qu'il aille se faire soigner en Union soviétique, il a dicté les derniers chapitres d'Année de la Terre. Et quand il est parti se faire soigner à Washington, je l'ai accompagné à l'aéroport de Tunis. Et là, il m'a dit une chose terrifiante. Il m'a dit, j'ai peur là-bas des transfusions sanguines, ils vont me blanchir. Un certain sourire, mais il n'y avait pas que le sourire. Oui, il était pressé, il savait qu'il allait mourir. Il était médecin, vous savez, alors il connaissait les résultats des examens qu'on avait fait avec le docteur Cholet à Tunis, à l'hôpital Charles-Nicolle. Et il avait donc le cancer du sang, qu'on appelle la leucémie. Il était très pressé, mais enfin, vous savez, on a beau savoir qu'on va mourir, il y a toujours l'espoir de ne pas mourir. Il avait l'espoir de vivre, il voulait vivre. Mais en même temps, il a pris toutes ses dispositions. Par exemple, j'étais présent lorsqu'il a insisté pour dire que s'il mourait, il voulait être enterré en terre algérienne, ce qui fut fait, comme vous savez. Est-ce que vous connaissiez ces témoignages, Achille Mbembe ? Non, mais ça ne m'étonne pas du tout. En fait, en préparation de cette émission, j'ai passé les deux derniers jours à relire Fanon. Ouais. Et ce témoignage est tout à fait frappant. Parce que Fanon écrit lui-même, on reconnaît le Fanon dont parle ce témoin. Jacques Chabry. Oui, Jacques. Il le décrit d'une façon très adéquate. Fanon dit dans un des textes de ses œuvres, le dernier texte, en fait, lorsqu'il est au Mali, il est en compagnie d'un soldat. Il aimait effectivement des gens comme ça, des gens très concrets, pas nécessairement des intellectuels. Il était pressé. Il y a une terrible urgence lorsqu'on lit patiemment ses écrits. C'est quelqu'un qui embrasse la vie à fond. Mais c'est aussi quelqu'un qui souffre pas l'idiotie. Il n'a pas de temps à perdre. Oui. Et donc, Jacques, il le décrit de façon merveilleuse. Donc, c'est Charby, hein, je dis Chabry, c'est bien Jacques Charby. Monsieur Charby. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas connu Fanon. Je l'ai lu très attentivement, ligne après ligne, et je le reconnais dans le témoignage que donne Charby. Pour imaginer voilà, parmi les gens qui nous écoutent ce matin, certains n'ont sans doute jamais lu une ligne de Fanon. Quel ouvrage de Fanon conseillez-vous en premier? Demain, on parlera de Peau noire, masque blanc. Jeudi, des damnés de la Terre. Alors, selon vous, Achille Mbembe, par lequel vaut-il mieux commencer? Il faut commencer par le commencement. Je crois qu'un de ses tout premiers textes, disons, connus, c'était paru dans Esprit, le syndrome nord-africain, je crois. C'est ça. Je suggérerais, par exemple, ce texte-là. Peau noire, masque blanc, c'est pas facile, hein? Non, c'est vrai. C'est pas du tout facile. Moi, je l'avais lu pour la première fois au début des années 80, je crois que c'était en 81, j'avais pas compris grand-chose. C'est lorsque je suis allé aux États-Unis que j'ai commencé à m'intéresser à la question du racisme, à l'histoire des Noirs américains, que je l'ai relu et que j'ai commencé à en faire sens. Mais comme ça, là, c'est pas donné. Aucun de ces textes, d'ailleurs, n'est donné. Non, et c'est bien pour ça qu'on va y passer du temps et qu'on n'aura pas trop de 50 minutes demain pour parler de ce texte. Je vous remercie infiniment, Achille Mbembe, d'avoir été avec nous ce matin depuis le Cap, donc en Afrique du Sud, en direct. Je renvoie les auditeurs à la préface que vous avez proposée à l'édition des œuvres de Fanon aux éditions de La Découverte. Et votre livre Politique de l'inimitié comporte également un chapitre consacré à Fanon. On mettra évidemment votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci et à très bientôt, j'espère. Tu vas me dire de positif sur la France et son passé de colon. Autant pisser dans un violon. Ne pense pas émotif sur la question. En oubliant de dire merci pour l'abolition. Délicate attention, j'ai dû laisser mon histoire dans le noir. À la gloire de l'homme et sa furie. De sa barbarie, entre carnage et tuerie, il n'y avait pas que l'or et le curry. Peux-tu entendre la douleur murmurer? Qu'elle ne se laissera pas emmurer dans l'oubli. Jamais à l'abri. Tellement négro qu'on déjà viré au gris. Allez voir plier aux caprices d'une patrie qui nous a laissé tellement de cicatrices. Que veux-tu que je retienne de cette haine des chaînes et de tout ce qu'ils ont violemment injecté dans mes gènes? Depuis le vol organisé qui s'opère sur nos terres, où on poussait les palaces, les pistes d'hélicoptères. On me demandera de me taire avec pour seul critère la servitude héréditaire, je te jure. Ils ont greffé le nègre à la misère, du fouet du propriétaire au fusil du militaire. Qu'as-tu à me dire si ce n'est qu'ils savent mentir sur des années entières de travail pour nous anéantir? Pire encore, pour qu'on oublie les massacres, qu'on en perde son créole et se cherche des reflets nacres. Putain de simulacre, m'évoque la triste époque des premiers viols et des premiers mulâtres. Le mépris n'allant pas sans, c'était le sucre au prix du sang. 2 millions d'hommes embrassant la mort en passant. Qu'as-tu à dire à ces corps pris pour chair à canon? À ces damnés de la terre, chair à France Fanon. Du champ de coton au ghetto, à fond de cale du bateau. Depuis le temps qu'on nous enfonce la même lame de couteau, au grand regret du temps béni d'écologie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et nature morte pour nous accompagner vers la chronique et la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante: qu'est-ce qu'une œuvre ? Eh bien, c'est difficile de répondre autrement qu'en donnant un exemple, qu'en faisant une étude de cas, mais autant d'éviter d'attaquer directement par Picasso, faisons plutôt un détour par un art mineur, la bande dessinée. On sera moins gêné par des considérations artistiques extérieures, le critère de cohérence interne sera rendu plus visible. Prenons donc le cas d'Hergé, celui de quelqu'un dont personne n'a dit qu'il était un artiste avant qu'il ait accompli, disons, le premier tiers de son œuvre. On frôle ainsi presque le cas idéal de l'art naïf, un type, en Belgique, obsédé par les pantalons de golf et les fox terriers, rempli des milliers de cases à l'encre de Chine. Le motif est à peu près pur, de tour sur moi artistique. C'est une aventure, le parcours d'une obsession. Enfin, vous allez un peu vite en besogne en décrétant que la bande dessinée est un art mineur, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle les aventures de Tintin, et bien ce sera avant tout les aventures d'une obsession. Oui, probablement, d'où l'indigence du personnage de Tintin. Ce ne sont pas ses aventures. On a ainsi pu considérer Tintin au pays des soviets, le premier album, comme une succession d'études sur la vitesse et le mouvement, l'histoire un peu échevelée, n'étant que le village Potemkin de ses recherches formelles. Toute l'œuvre d'Hergé tiendrait dès lors dans une roue de voiture, anamorphosée par l'accélération. Mais c'est une lecture un peu formaliste de son œuvre, non ? Oui, et qui d'ailleurs nous intéresserait assez peu si elle ne tenait qu'à ses prouesses graphiques. Ce qui est singulier par contre, c'est la façon dont Hergé va jeter ses trous cabossés par la vitesse et qui concentre tout son génie à la rencontre d'une matière qui excède largement celui-ci. Le sujet d'Hergé, sujet qui n'est absolument pas à sa hauteur, ce sera très vite l'histoire mondiale en train de se faire. On ne lui en demandait pourtant pas autant. La commande initiale venue de la presse la plus réactionnaire qui soit, c'était de livrer un ensemble de caricatures sur les méfaits du communisme et du capitalisme, sur les bienfaits de la colonisation du Congo, sur l'Orient, compliqué. Sauf que soudain, en une planche, Hergé comprend tout des mécanismes de ce monde. La fameuse planche nocturne qui raconte comment un acte de sabotage déclenche l'invasion de la Chine par le Japon. Le dessinateur de la vitesse n'a pas dû en revenir, de réussir là quasiment l'impossible, guerre et paix en une planche, la technique de la vitesse appliquée à la fresque historique. À partir de là, Hergé sait qu'il est génial. Et est-ce que son œuvre va souffrir de cette révélation ? Demandons-nous plutôt s'il est possible de faire une œuvre sans le cadre plus moral qu'esthétique de cette révélation. Dorénavant, Hergé a un devoir vis-à-vis de lui-même, ou mieux vis-à-vis de son œuvre. On aime lire les bijoux de la Castafiore comme une BD sur rien, ou sinon sur elle-même, comme un monument de réflexivité. Mais celle-ci est bien antérieure, et je crois que la preuve en repose dans un détail qui m'intriguait enfant. Jusqu'à récemment, les albums de Tintin n'étaient pas numérotés. Il fallait se reporter au verso des albums pour connaître l'ordre dans lequel les ranger et non pas les lire, car nous les avions évidemment lus dans le désordre qui était forcément pour nous le bon ordre, celui de la révélation progressive du génie d'Hergé et de l'ordonnancement presque magique de son œuvre. Et donc ce serait ça une œuvre, une sorte de labyrinthe sans entrée ni sortie ? Oui, quelque chose de l'ordre du piège, tout à fait. Non pas adressé au lecteur, mais au temps lui-même. Souvenons-nous du supplément où sont parues les premières aventures de Tintin, le petit 20e. Le petit 20e, c'est le cadre historique limité. Le grand 20e, le 20e comme forme spécifique de l'infini, c'est l'œuvre d'Hergé elle-même. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, c'était Marie-Claire Oumabadi. À la lecture des textes, Bernard Gabet. La chanson de fin, c'était Nature Morte du groupe La Rumeur. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Franz Fanon. Demain, on parlera précisément du livre « Peau noire, masque blanc ». Comment se découvrir noir dans le regard du blanc ? Peut-il changer la pensée, en tout cas celle de Franz Fanon ? On sera en compagnie de Marilyn Maezo. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très facile. Vous pouvez soit la réécouter en ligne sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, soit la réécouter en podcast, en téléchargement. Vous pouvez aller sur iTunes, vous pouvez aller sur Spotify, vous pouvez télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct d'ailleurs, mais aussi en téléchargement. Comme ça, vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Cela ne nous regarde pas. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, donc nous, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.